Ma lecture. Choix des chapitres. La Bécasse est la première nouvelle du recueil Conte de la Bécasse de Guy de Maupassant, publié en 1882. Cette nouvelle est la plus importante par rapport à l'ensemble du livre, car elle sert de récit cadre. Toutes les autres nouvelles sont des récits indépendants qui s'inscrivent dans la Bécasse. Parmi ces récits, j'ai choisi La Folle à cause de sa tonalité différente. La Bécasse. Nous sommes en Normandie, la saison de la chasse est arrivée. Suite à une paralysie des jambes, le baron des Raveaux est cloué à son fauteuil. Pourtant, cela ne l'empêche pas de chasser des pigeons de la fenêtre du grand salon ou du haut de son grand perron. Un domestique s'occupe de recharger les fusils, tandis qu'un valet, caché dans un massif, lâche des pigeons. À chaque fois qu'un oiseau tombe par terre, le baron s'éclate de rire. Le vieil homme aime aussi les contes et les histoires. Chaque soir, il invite d'autres chasseurs de faire part à la coutume de la maison, appelée Conte de la Bécasse. Lors de cette cérémonie, après avoir dégusté les bécasses, toutes les têtes sont rassemblées sur un plateau. Ensuite, la tête d'une bécasse est attachée sur le goulot d'une bouteille. Le baron la fait tourner. Le gagnant est élu lorsque le bec, en s'arrêtant, pointe sur la personne. Celle-ci est désignée de manger toutes les têtes et de raconter une histoire pour indemniser les déshérités, c'est-à-dire les convives exclus du festin des têtes. La Folle est un de ces contes de la Bécasse. La Folle. Un des convives de la Bécasse, M. Mathieu Dandolin, raconte une histoire qui se déroule à Cormier, un petit village en Normandie, en 1870, lors de la guerre franco-prussienne. On apprend comment la voisine du narrateur a perdu son père, son mari et son enfant nouveau-né en un seul mois, à l'âge de 25 ans. Accablée par le chagrin, la jeune femme est tombée dans le délire et la dépression. Elle restait allongée sur son lit et refusait de se lever. Chaque fois qu'on voulait la lever, elle commençait à crier. Pendant 15 années, elle demeurait ainsi. Une vieille femme restait près d'elle pour lui faire sa toilette et lui donner à boire et à manger. Un jour, les soldats prussiens entrent dans le village et doivent être hébergés par des habitants. Après quelques jours, l'officier allemand vient chez la folle qui ne fait pas preuve d'une bonne hôtesse. Bien qu'on ait appris la maladie et du chagrin de la femme à l'officier, ce dernier ne croit pas à son histoire et exige qu'elle sorte de sa chambre. Naturellement, la femme refuse en hurlant. C'est alors que l'officier décide de la faire bouger en faisant une petite promenade. Il ordonne à ses soldats de transporter le matelas vers la forêt. La femme reste immobile. 2 heures plus tard, les soldats reviennent seuls. On n'apprend pas de ce qui est devenu de la folle. L'automne suivant, après que les soldats aient quitté le village, le narrateur traverse la forêt pour chasser des bécasses. Il y trouve une tête de mort. Le narrateur comprend que les soldats avaient abandonné la folle qui s'était laissée mourir sur le matelas et a été ensuite dévorée par les loups. Choqué par cette triste découverte, le narrateur garde l'ossement et fait des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre. Explication, interprétation des chapitres. La Bécasse nous montre un tableau de la vie de province où un petit groupe de chasseurs se rassemble les soirs pour partager de bons moments ensemble. L'histoire de la folle, qui s'inscrit dans le récit de la Bécasse, relève des contrastes intéressants. Dans l'atmosphère conviviale et joyeuse, l'histoire de la folle racontée par un des convives est pessimiste et tragique. Pourtant, les deux récits s'unissent à travers leur aspect macabre. Les chasseurs trouvent plaisir à se raconter des histoires qui résultent d'un rituel assez cruel, un rituel qui est considéré drôle par les personnages qui le pratiquent. Ainsi, la tonalité sombre subtile dans le récit cadre n'échappe pas au lecteur. On trouve également le contraire dans la folle, une faible lumière qui se manifeste à travers la voix du narrateur qui éprouve de la compassion pour le malheur de la femme et qui espère que ses enfants ne voient pas les horreurs de la guerre.